100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français juste après D-Fool. Beaucoup de nouveautés une fois de plus dans la nocturne pendant une bonne heure facile. Et puis après on partira tranquillement en session classique de la nocturne à pas louper tout à l'heure sur Skyrock. J'espère que tout va bien pour vous. C'est aussi les vacances pour certains. Le week-end qui a commencé. Dites-nous, envoyez des messages avec le hashtag la nocturne sur Skyrock. Le hashtag Skyrock, ça arrive directement dans le studio. On écoutera ce soir du Dossé, du PNL, du Nino. Plein de nouveautés à découvrir aussi. SCH, notamment nouveau son de SCH. Ce sera dans quelques minutes sur Skyrock. Plein de nouveautés, je vous le disais, sur Skyrock. On va débuter avec notre invité de la semaine. Entre 20h et 21h, il est passé tous les soirs. C'est l'artiste et le morceau de Joker. Planète Rap. 100% Explicit Lyrics. Maman veut s'acheter une ferme. Ok. Madame arrive bientôt à terme. Ok. Et toi, tu penses me stopper? T'es sérieux? Attends un peu, je vais te montrer. Ok. Ah oh ouais, bitch, je vais faire. J'ai un père de famille, je suis pas là pour rigoler. Envoyez, envoyez, envoie la monnaie. J'ai pas de bol, j'suis pas né à bit bol. Mais je m'en fous, à vol bif. Si tu veux que le club affiche full. Sérieux, les MC, vos soirées sont gâtées. Tu veux du coco, tu peux toujours te gratter. Appelle-nous si tu veux augmenter Teresa. Y'en ai marre de jouer à la mère Teresa. Tu fais ça pour le bif. Ils m'ont donné un titre. Ils m'ont donné du bif. Ils m'ont dit c'est un hit. C'est bien petit, maintenant tu vas signer. J'ai dit aucun grand, je les ai saignés. J'marche avec deux gros stéréos. Ils ont le seum, ils veulent tirer dans le dos. Je leur souris comme le Joker. C'est eux qui m'ont rendu si mauvais. J'marche avec deux gros stéréos. Ils ont le seum, ils veulent tirer dans le dos. Je leur souris comme le Joker. Sur un main, sur main, sur ni mon sérum, ni mon surhumain. J'fais pas de pompe sur une main, mais j'ai mes couilles à leur place, j'avance sereinement. J'nique le maire et ça remet. Oui, j'nique le maire et ça remet. J'suis le genre de mec que tu crois nul, mais qui s'en tape que la victime s'en remet. J'quadrille le périmètre, j'viens pas de Paris même. C'est 9-3, mon bébé, les portes étaient fermées, on a dû s'introduire par l'hymen. On comprend pas le mime. Dites au parlement de parler autrement quand il parle à nos mômes. Quand il parle à nos mômes. Comment moi, je sais pas faire. Je pique pas tes affaires. Tu veux un truc sincère? Va crever en enfer. Y'a mes frères qu'on enferme. On est à Nanterre, on enterre, on enterre, on enterre, on enterre. Dehors, c'est la guerre, ça bang bang. Tu vois le respect, ils le respectent. J'marche avec deux gros stéréos. Ils ont le seum, ils veulent tirer dans le dos. Je leur souris comme le Joker. Encore pour cette belle semaine dans Planète Rap entre 20 et 21. L'album est dans les bacs depuis une semaine. Clandestino et le morceau qu'on écoutait à l'instant, Joker. Rap français, Planète Rap. La nocturne. Voici le nom d'un producteur, le son d'un producteur qui s'appelle Ditweiser. Avec Hamza dans la nocturne. Je t'envoie les gales, let's go. J'ai mal que je trop égal. Oh, j'ai mal. Tous les deux égal, dancehall égal, benzo égal. Oh, métal. J'ai vu hooligan, yeah, yeah. Je t'envoie les gales, ouais, ouais, ouais, ouais. J'ai vu hooligan, yeah, yeah. Je t'envoie les gales. J'arrive à devenir ma bitch. choqué, je suis un éducation. J'ai le cannabis dans la discothèque, mais tant bien bébé rassure-toi. Yeah. Marie, bienvenue dans mon dancehall. Papi, je suis le diable en personne. Manipulé comme un Game Boy. Laisse-moi te manipuler comme un Game Boy. J'aime ce genre de vie, j'aime ce genre de fille. Donc lâche mon corps de suite, j'y vais hooligan. Mamie, bienvenue dans mon dancehall. Baby, je suis le diamant personne. Manipulé comme un Game Boy. Laisse-moi te manipuler comme un Game Boy. J'arrive à devenir ma bitch, ok, je suis un éducation. J'ai le cannabis dans la discothèque, mais tant bien, baby, rassure-toi. Yeah. J'y vais hooligan. Yeah. Je tombe hooligan. J'y vais hooligan. Yeah. Je tombe hooligan. Je tombe hooligan, let's go. J'ai la cage trop égale. Oh, j'ai mal. Tous les deux égales, dancehall. Égal, benzo, égal. Oh, hôpital. J'y vais hooligan. Yeah. Yeah. Je tombe hooligan. Ouais, ouais, ouais, ouais, j'y vais hooligan. Yeah, yeah, yeah. Je tombe hooligan. Shorty, t'es une bombe. 45 bombes, Ben Lyman. Yeah. Ce soir, j'fais une bombe. Vers mon épée que je lance sur ton boule. Bengaman. Tu sais que mon épée brille comme Zelda Man. 45 bombes, Bengaman. J'y vais comme un passe. Baby, qu'elle me fait bouger ton booty pour un boss. Wag one. T'aimes ce genre de vie. J'aime ce genre de fille. Donc lâche mon corps de suite. J'y vais hooligan. Yeah. Mamie, bienvenue dans mon dancehall. Baby, j'suis le diamant personne. Manipulé comme un Game Boy. Laisse-moi te manipuler comme un Game Boy. Je tombe hooligan, let's go. J'ai mal que j'trompe égal. Oh, j'ai mal. Tous les deux égal dancehall. Égal benzo, égal. Oh, hôpital. J'y vais hooligan. Français, planète rap. La nocturne. Hey, t'attends ce que j'attends, mais c'est quand que tu te lances. Rapproche-moi vers l'avant pendant que tu danses. Comme des sauvages, baby, ce soir on fait comme des sauvages. Bouge ton gros cul sur moi, fuck l'entourage, yeah. Fais jumper les dollars, yeah. Allo, mamma mia. Allo, on rentre à la maison quand je te donne le signal, baby. Ne fais pas la timide et viens danser à ma table. Oh, oh, oh, yeah. Elle taffe dans un bar à tapin, pas un bar à tapas. Soirée, elle a mis sa jupe d'écolière et sa barre et ta pince. Ne sois pas en colère, t'occupe pas des commères, laisse-moi tâter tes inces. Elle veut un barlou en garmos, pas une tape et ta pince. Relève la tête, faudrait pas que tes cheveux dans ma braguette se coincent. J'suis un crapaud bitch, j'suis loin d'être un prince. Pour un crapovitch, elle me pince sur la bécane. J'ai de l'amour propre, mais j'aime l'amour sale. T'attends ce que j'attends, mais c'est quand tu te lances. Rapproche-moi vers l'avant pendant que tu danses. Comme des sauvages, baby, ce soir on fait comme des sauvages. Bouge ton gros cul sur moi, fuck l'entourage, yeah. Fais jumper les dollars, yeah. Allo, mamma mia. Allo, on rentre à la maison quand je te donne le signal, baby. Ne fais pas la timide et viens danser à ma table. Oh, oh, oh, oh, oh. On a de l'air sur les dents. On laisse pour compter le temps. Dis-moi ce que tu ressens. Dis-moi ce que tu ressens. Pull up en pot sur les champs. Regarde pas derrière, je suis devant. Dis-moi ce que tu ressens. Dis-moi ce que tu ressens. Baby, je peux lire dans tes pensées comme si j'étais l'aura. Oh, yeah. Baby, je peux lire dans tes pensées comme si j'étais l'aura. Oh, wow, wow, wow, yeah. Ta chatte, t'as trop de kilomètres. Tu twerk, mets ton boulot maker. Prends pas ma messagerie pour le bureau des pleurs.

100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. J'ai vu la vie dans un BMW 645i. J'veux la baiser, j'veux pas savoir son name, ni savoir son prix. J'suis passé du Greg au Rossini, prolétaire devenu aisé. Tu m'as vu chanter dans ta ville pour 15 000 avec un robe de frisé. J'suis au 60e étage du Win, demain j'retourne à la Lime. J'ai l'assurance et la carte riche de ton cul, ça fait 2-3 semaines. Ici t'es pas le bienvenu, on parle pas trop bien et t'as la pile. Elle est pas montée qu'elle a déjà trompé tout son jardin. Tu me feras never, never, never, never. Neuve. Au PG m'arrête, j'ai un pétard sous le siège, il veut que la photo pour son neuf. Donc je fais de la photo, je remonte dans l'auto, tranquille. Et là je me dis qu'un truc, c'est que je pourrais avoir tous mes flammes. Ouais, rien qu'on veut toujours plus. Pas besoin d'être artiste, à qui tu fais le système, pas avec ta frère à gamme au début. Je pèse une actrice, mon poteau fait passer le temps, sa mère l'octrice. Petite salope, j'ai mon stéthoscope, j'ai mon fric et ton adresse. Rien qu'on veut plus. Plus. A qui tu fais le système, pas avec ta frère à gamme au début. Je pèse une actrice. Sa mère l'octrice. Petite salope, j'ai mon stéthoscope. Mon fric est dans la tasse. J'ai vu la vie dans un BMW 645i. Siège pas que je fais des billets planchers. Comme mon coffre ça crue. J'suis passé du Glock au P90. Nouveau riche en lycée. Tu m'as vu dans ta ville servir un avocat avec un robe frisé. J'parle pas à ta meuf. Tenez vos putes en laisse. J'suis la BO, j'suis en vrai. J'suis la BO, j'suis entré. J'prends la détail, c'est le S. On a grandi dans la casse. C'est impossible qu'il y ait des restes. J'tartine des beaux car on tasse. J'les tire par les fesses et les tresses. T'as rhum au début, c'était rien qu'un plan cul à ton père. Tu vas pas nous la faire. Moi au début, j'étais rien qu'un petit nouveau rappeur qu'on croyait passager. Je suis un coup à 300 l'homme. Chérie, j'peux plaire à ton frère, à ton père, à ta mère, même à toute ta famille. Ouais, rien qu'on veut toujours plus. Pas besoin d'être actrice, à qui tu fais le système, pas avec ta frère à gamme au début. J'pèse une actrice, mon poteau fait passer le temps, sa mère l'octrice. Petite salope, j'ai mon stéthoscope, j'ai mon fric et ton adresse. Rien qu'on veut plus. Plus. A qui tu fais le système, pas avec ta frère à gamme au début. J'pèse une actrice, sa mère l'octrice. Petite salope, j'ai mon stéthoscope, mon fric est dans la tasse. SCH de retour, 645i dans la nocturne 100% rap français. Rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Ika de retour, TLF, talent fâché au mois de mars. Tu casses sa tête, je te monte en l'air. On est pétard comme ça. Mais ça sent eux la paix. On est pétard comme ça. Bébé à soupe, tout ce qui est sans son. On est pétard comme ça. C'est la bécane qui fait du bruit. On est pétard comme ça. On est pétard comme ça. On est pétard comme ça. On s'occupera de ta soeur. Si elle aime ça. On est pétard comme ça. On est pétard comme ça. On fait le taf et on se barre comme un sale Bessa. Y'a que des putes et des putes. Sur la vie de ma mère, tous des enfants de pute. Ferme ta gueule, journaliste, me demande pas c'est qui. Je le fais pas de la pub. Sombre attitude, au fond du check-son. Les Yorkies sont nombreux, c'est le temps de la moisson. Les vendredis soirs, ça sort la boisson. Un poteau est parti, un billet nous versons. Faut que les ennemis, ennemis, ennemis, ennemis. Ah que ça bibu, ça bibu, ça bibu, ça bibu jusqu'au bout de la nuit. Injecte au chiffre d'affaires dans une boîte de l'eau. Poli, plaqué, Germany. Comme Jimmy, Saint-Patrick. Tu baises une meuf d'estup. Tu casses sa tête, je te monte en l'air. On est pétard comme ça. Mais ça sent eux la paix. On est pétard comme ça. Ton bébé assume tout ce qui s'en suit. On est pétard comme ça. C'est la bécane qui fait du bruit. On est pétard comme ça. On est pétard comme ça. On est pétard comme ça. On s'occupera de ta sœur si elle aime ça. On est pétard comme ça. On est pétard comme ça. On fait le taf et on se barre comme un célèbre ça. Fils de la violence, vitriol délinquance, comme moyenne indépendance. On baisse tout pour satisfaire nos carences affectives. Marianne est trop pendante. Mais ce prof fait aussi du sale, un peu comme son universel. J'ai mon côté inhumain, on te resserre la main, mais t'inquiète, on n'oublie rien. Je veux la tête de ton ennemi, on peut t'avoir ça. Je veux de la frappe par son Loki, on peut t'avoir ça. Arme de guerre d'Israël-Russie, on peut t'avoir ça. Achat de permis, faux crédit, on peut t'avoir ça. Ça roule en Ferrari, ça gratte le RSA. Si tu tombes, t'envoies un Yébi, t'es nouvelle que ça. Tu fais le fou au téléphone, c'est salope qu'il faut ça. J't'ai pas giflé comme ça. Tu casses sa tête, j'te monte en l'air. On est plutôt comme ça, mais ça sent eux la paix. On est plutôt comme ça. Bébé, à soupe, tout

répondu ou pas? Pour commencer, ça fait l'âne. D'après ce qu'on a dit, nouvelle nana. Bien chargée, j'aime que ça. Elle va du sud, alléluia. C'est vrai que je vois du nord, il fait trop froid. Elle est bien stylée, crois-moi. Je la trouve vraiment trop charmante. Je la trouve vraiment trop marrante. Est-ce que t'es avec une meuf? Et c'était mon ex. Mais que va-t-elle dire? Je me pose des tions caisse. C'est pas mes affaires, oui, faudrait qu'elle stèse. C'est pas mes affaires, oui, faudrait qu'elle stèse. J'aimerais la croiser en solo, solo. Là où il n'y aura pas tous ces potos. Là où on pourrait parler cadeau. Vas-y viens je t'emmène voyager, voyager. Crois-moi c'est pas grave, tu ne vas pas regretter, regretter. J'aimerais me poser, me poser, me poser. Je t'attends, crois-moi. Week-end prochain je dois la voir. Seul des nets, juste elle et moi. Trop pressé de la voir. Toutes les nets, j'ai pensé à ça. Je rêve de faire le tour du monde. Je voyage sans aucune pression. Je ne pense pas qu'on vient du même monde. Oh non, non, non. Je pense à elle chaque seconde. J'aimerais la revoir toutes les secondes. Mais pourtant, la vie vient ici. Oh oui, oui, oui. Ah la la la la. Feeling où j'aime ça. Tu penses qu'on finirait ensemble. C'est vrai que j'attends ta réponse. Appelle-moi si tu veux qu'on cause. Hey, appelle-moi si tu veux qu'on cause. Sa pote me regarde de travers, de travers. Je lui sers un verre, un verre, un verre. Elle me parle de ses affaires. Je lui demande d'aller faire un tour. Laisse-moi avec Anna. Faut que je gère, faut que je gère. Faut que je gère, je ferai tout pour la voir. Crois-moi, moi, crois-moi. Crois-moi, moi. La soirée est partie, on coule. Le matin, j'ouvre les yeux. Je la vois nue, trop sexy. Je vois des larmes qui coulent. Je lui demande pourquoi tu pleures. Moi, là, ça coule. Elle m'a dit qu'elle a fait n'importe quoi. Je lui réponds. Fais-moi confiance, je sais ce que je veux. Vas-y, va, je t'invite, on danse. Quand tu marches, je vois la terre qui tourne. Je parle de ton boule. Je suis dans les airs, je ne vois même plus la terre. J'ai trop d'inspiration. Quand je te vois, j'oublie tout. Tu officialises notre couple sur Insta. Tes copines te jalousent, te jalousent, te jalousent, te jalousent. Le monde est fou. T'es ma belle boule. Hey mamacita, regarde-moi. Ne t'en fais pas. Juste toi et moi. Toute la night. Rigoler, rigoler, rigoler, rigoler, rigoler. Je rêve de faire le tour du monde. Je voyage sans aucune pression. Je ne pense pas qu'on vient du même monde. Oh non, non, non. Je pense à elle chaque seconde. J'aimerais la revoir toutes les secondes. Mais pourtant, la vie vient ici. Oh oui, oui, oui. Ah la la la la. Je négocie un chocage, je rentre à Belize. Redzer, CR, bro, c'est la diable. J'suis dans la zone comme Never. Même quartier se soigner de Panam jusqu'à Schweizer. T'as rêvé IP, tu peux pas me louper. Tout est OP comme Never des Never. Une taille, deux tailles, trois tailles, oh blé. Un Mathieu, un champagne, un magnum, oh blé. Malavé le club toute la journée. À peine arrivé dans le VIP, j'suis bourré. Si ma go m'appelle, j'en prends pas. Ça va noyer le carré, faut qu'elle boue. J'mélange vodka, tequila. Dis ça m'a rongé, moi j'me mis là. Elle est nebo, si j'la dogue, j'vais y aller profond comme un pila. Viens chérie, elle a que sur la plata. Carré VIP, que des restas. Elle est pétée, elle veut se frotter. Ça va dégainer les matchs, elle est belle. Le magnum, cognac, belle, jacta. Oui, j'fais la mala. Si t'es nebo dans ton puce, n'a 6.3, j'te ramène en balade. J'suis dans la zone comme Nevers. Même quartier se soigner de Paname jusqu'à Schweizer. T'as rêvé IP, tu peux pas me louper. Tout est OP comme Never des Never. Une taille, deux tailles, trois tailles, oh blé. Un Mathieu, un champagne, un magnum, oh blé. J'arrive, je fous le spell. Ferme ta gueule. Tu me dis que tu es en couple. Ta gadji se sent seule. Je prends plus de belvédère. Je laisse ça à tes petits frères. J'ai baisé Rihanna sur la vie de ta mère. Je vis cher, je m'habille cher. Tu me chais cher, voilà tu vas prendre cher. Renegro, Django, Kodo, Gustavo Hila Wendo. Chegue, dealer, y'a papé. Voyou comme Berlusconi. Donatella Versace. Vu que je passe ses produits. J'suis dans la zone comme Nevers. Même gâtier se soigner de Panam jusqu'à Schweizer. T'as rêvé IP, tu peux pas me louper. Tout est OP comme Nevers des Nevers. Une taille, deux tailles, trois tailles, oh blé. Un Mathieu, un champagne, un magnum, oh blé. J'suis dans la zone comme Nevers. Tout est près de Panam au NVR. Tous vos gars sont des suiveurs. J'suis dans ta et j'retiens, ouais, c'est sévère. Tous mignons, tous frais dans le carré vide. Des grosses tailles et des tasses qui arrivent qu'on se vide. Prends le ticket pour entrer si tu veux qu'on t'invite. Pas bon, les coups de savoir qui je veux que tu la pipes. Une taille, un spliff. Je fais la malade dans le club, oh bla. Encore une taille, y'a la mif. Pour ces bâtards qui bug, oh bla. Le gars arrive avec mes négros. On fait la diff, y'a pas le même niveau. Bitch, tu veux check un de mes potos. J'espère que t'es prêt pour qu'ils te cassent le dos. J'suis dans la zone comme Nevers. Même gâtier se soigner de Paname jusqu'à Schweizer. T'as rêvé IP, tu peux pas me louper. Tout est OP comme Nevers des Nevers. Une taille, deux tailles, trois tailles, oh blé. Un Mathieu, un champagne, un magnum, oh blé. Afghanistan, je frappe. Respecte-moi, c'est pas une affaire de rap. Je serai pas qui casse si je roule en Lada. Si t'as pas Gunta Waluna, t'as quitté là-bas. Il faudra tout avaler, ça va aller. Pirateur, il ne s'arrêtera jamais. Ballons la tête, pas la meilleure est partie, mais la plus efficace. Paris, je t'aime, Zlatan est parti quand même. J'ai pas eu ma dédicace. Ballons la tête, pas la meilleure est partie, mais la plus efficace. Paris, je t'aime, Zlatan est parti quand même. J'ai pas eu ma dédicace. On est là pour faire danser tout Pana. Y'a des femmes du champagne ici, c'est Paname. C'est Paname. On est venu faire danser tout Paname. Tout Paname. On est parti pour toute la night. Ouh, maman yé. Hassan. Ouh, maman yé. Elle est qui n'a mis n'a zota n'a soli. Elle est qui n'a mis n'a zota n'a gana. Passe ou pas. Ballons la tête.

Dans le fond de ma cellule, enculé de ma tante. J'galère sans une tuile, j'fume les barreaux. La promenade est morte, j'vais voir mon ghetto. Ouvrez-moi la porte pour l'amour des miens. Enculé de ma tante, comme j'avale quand je m'accroche. Même si t'es heureux que je me crache, à l'aise partout là où je crèche. Ma talite est carrée tout comme une apache. Avec toute volonté, je m'étorche. Nègre, sache que je vis dans un tâche. Comme chaque matin, je me lève du pied gauche. Je mets ça comme un loup enfermé en cage. J'ai le temps, je fais des pommes de partie de cartes. Avec une marmite et deux pattes. Après la ronde, j'appelle ma meuf et des potes. Pour avoir des nouvelles et des autres. Dans la cursive, tout le monde fait appel à l'oxy. Pour échanger du bex et des clopes. La fumée nocive, mais nous permet de rester au top. Avec toutes ces peines qu'on écope. J'suis tombé dehors, j'ai appris que la daronne est tombée malade. Un pote qui est parti, mais pas en balade. Madame la juge, c'est pas des salades. La rue nous a morti. Je reprends mes affaires, j'en resterai pas là. Du fond de ma cellule, je rêvais d'un palace. On pense à mes frères qui ne sont plus là. La rue nous a meurtris. Dans le fond de ma cellule, enculé de ma tante. J'galère sans une tuile, j'fume les barreaux. La promenade est morte, j'vais voir mon ghetto. Ouvrez-moi la porte pour l'amour des miens. Appelle le SS qui vient. Ça fait une semaine j'suis en chien. Ici sans shit et rien. J'reste aérien et toi bon à rien. T'es aux arrivants sans rien t'as rien. Mais you reste en chien. Monde douce mieux que les gens. Ouais, bienvenue chez les méchants. Gentillesse vaut rien, PDH valent rien. Trahis pas les tiens et tout ira bien. Tu fumes le bon Dieu bien. Y'a que les murs qui bougent pas. Sauf si t'es Ferrara. Toi tu fais la rate. Tu fumes la parade. T'apparence t'es pas rond mais t'es pas préparé. J'suis tombé de haut quand mon pote d'enfance est tombé sous les balles. J'ai compris que la vie n'était pas aussi belle. Il en reste plus qu'une pierre tombale. La rue nous endure. Et j'pense au ghetto. J'pense aux soirées qu'on passait en équipe. À fumer, boire et compter le liquide. Tasser l'alias en esquivant les flics. La rue nous a mortis. Dans le fond de ma cellule, enculé de ma tante. J'galère sans une tuile. J'fume les barreaux. La promenade est morte. J'vais voir mon ghetto. Ouvrez-moi la porte pour l'amour des miens. Dans le fond de ma cellule, enculé de ma tante. J'galère sans une tuile. J'fume les barreaux. La promenade est morte. Pas de trompette que des criminels. Même enfermé on fait quand même de l'oseille. Y'a pas de bang bang règle, ça chlasse dans l'opinel. Dehors, mes gants de la suite dans les idées. Avant ça pas décidé. Ok bang bang cavale à la Usain Bolt. Ouais, c'est ton pote qui donne le go. Passe au bas côté des guerres. Ils veulent être gros parmi les trop. Organisé comme l'équipe des négros. Comme l'équipe des négros. On a des millions de billets de ça. Ouais je le sens, appelle ça je fais mille et mille. Pour Jimmy le mille et les mille. Les réseaux sont des usines à résine. J'perdu mes cellules dans cette cellule. J'ai le cellulaire et les aisselles qui sentent le temps à lui. J'perdu mes cellules dans cette cellule. J'perdu mes cellules dans cette cellule. Dans le fond de ma cellule, enculé de ma tante. J'galère sans une tuile et j'fume les barreaux. La promenade est morte, j'vais voir mon ghetto. Ouvrez-moi la porte pour l'amour des miens. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Tiens, chef. Tiens, tiens. Tes mains. Sans faire. Remets le plan de super, go fast en Uber. Remise, les jeux sont faits, tu perds ou tu perds. Fredon s'est cassé, faut que je ramasse l'anneau. Gros, ça va se tasser, ou ça va se tarno. Choisis ton camp, trimar avant que j'en parte. Y'a des gens du voyage, y'a des gens du jardin. C'est pas permis de faire à se rapper sans faire l'IAS. J'suis chez moi ici, j'en tue les frères d'IAS. Nous demande pas de changer, on fait feu sans gêne. Facebook ta live, tu t'affiches pour 200 gemmes. La cible en un coup, rafale en deux temps. Laisse la pote qu'à craquer, il fait chaud dedans. L'équipe est coca, concert en Toki. Harry Potter change la coca en Loki. Samedi c'est un frit, et dimanche au front. Ramène ta marmite, j'y mets dans le chaudron. On verra demain, laisse passer le Mistral. Un pull disco arrêt d'une manchette devant le cristal. J'les parfume au gel pro, j'allume toutes ces bitches. Akrapovic, bébé, très vaillant. C'est bon gros, j'dis ça, j'dis rien, mais le silence en dit long. J'ai mon blast tatoué sur la même que pilon. Roulin Sparmani, on est riche et célèbre. T'as des jeans Armani, j'ai des jeans des ténèbres. Laisse-moi le temps de me faire un bimbo. Laisse-moi le temps de me faire un bimbo. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. J'avoue, j'suis pété. Wesh, la tête sont comment. J'avoue, j'suis pété. Wesh, la tête sont comment. J'avoue, j'suis pété. Wesh, la tête sont comment. J'avoue, j'suis frais, je suis passé chez Sokoma. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. J'avoue, j'suis pété. Wesh, la tête sont comment. J'avoue, j'suis pété. Wesh, la tête sont comment. J'avoue, j'suis pété. Wesh, la tête sont comment. J'avoue, j'suis frais, je suis passé chez Sokoma. Je reste en temps gris, t'inquiète, j'apporte du rap. J'referme la porte, c'est dur, mon gars, sois mon gars. Sur, remonte la cote du SRAM. Mais j'assume ses ratures. Mais j'ai pas de pote du rap, t'es qu'une papote du rap. Déplace la cage d'arbre, recharge de gros chariot. La technique Vanderlei, la coupe à Romario. J'retiens plus les coups, j'ai tout donné pour qu'on signe le contrat d'année. J'ai vidé tout le fourgon. Haraga fait la gage, vient d'une rousse bizarre. FLL, production mentale de ma guisard. Nique le ring de la rue qui n'exauce son carré. Nique les règles, j'mets la garde avec mon ton carré. On est vif, on est plein, on est terre, pas sacrame. J'ai la PJ de Versailles sur mon compte Instagram. J'ai la PJ de Versailles sur mon compte Instagram. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. J'avoue, j'suis pété. Wesh, la tête sont comment. J'avoue, j'suis pété. Wesh, la tête sont comment. J'avoue, j'suis pété. Wesh, la tête sont comment. J'avoue, j'suis frais, je suis passé chez Sokoma. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. J'avoue, j'suis pété. Wesh, la tête sont comment. J'avoue, j'suis pété. Wesh, la tête sont comment. J'avoue, j'suis pété. Wesh, la tête sont comment. J'avoue, j'suis frais, je suis passé chez Sokoma. Explicit lyrics. Je reviens de nulle part, je n'ai aucune peine. Je voulais brasser comme Eto, mais j'ai pris du ferme. T'es pas blanche comme neige dans ta bouche, que de la merde qui germe. Dans les yems, je reviens de perdre. Pour savoir ce qui se passe dans mon dos, je fais des selfies. Argent égale power, bah ouais, c'est ça la vie. Cascade, dégrade, bécane, on te fume à la va-vite. Dégousse, dompé, rinon, tu me cherches, viens, je suis au vip. Yale, yale, yale, que comme d'un, je ramène du son neuf. Sans pitié, je lui mets dans les œufs. Alcoolisé, je débarque pour niquer ta teuf. Yale, yale, yale, que comme d'un, je ramène du son neuf. Alcooliste et j'débarque pour niquer ta gueule. C'est le silence radio comme un Yama Baro. Toujours calibré, ça fait sert que ta gueule trop. Pour que tu sois des notes si tu veux qu'être trop. C'est pour signer un valet au bas pour tous les rôles. C'est le silence radio comme un Yama Baro. Toujours calibré, ça fait sert que ta gueule trop. C'est Cosignama, Léoba, pour tous les rois. Cosignama, Congo Kinshasa, Jazz 243, je porte le brassard. Pour ceux qui savaient pas, de Bomaya à Boada, tout comme Eden Hazard, je suis pas là par hasard, spécialiste de caviar. On sort dans tous les Tchekas, on dit jamais Trika. J'arrive pas sans barbare, trop des gens sont barbares, je suis ton pire cauchemar. J'passe les vitesses, toujours propre de mon business. Car tu peux te faire fumer pour une banalité. Yale, yale, yale, que comme d'hab, j'ramène du son neuf. Sans pitié, j'lui mets dans les œufs. Alcoolisé, j'débarque pour niquer ta teuf. même du son neuf. Sans pitié, je lui mets dans les seufs. Un colisée, je débarque pour niquer ta tête. Yale, yale, yale, keuf. Tant je ramène du son neuf. Sans pitié, je lui mets dans les seufs. Alcooliste, je débarque pour niquer ta tête. Cosy dans la nocturne. La planète rap. Nocturne. Sur Skyrock. Nocturne. Nino. Oh. Niska. Oh. Jamais retourner nos bêtes, le poing levé comme Jesse Owens. Quand t'es cagoulé, tout est élaboré. J'suis venu faire du sale bala pour décorer. Si vu des siffus, pour redécorer. J'ai pété le million si j'bicrame les coraux. Bicrame les coins, hein. J'ai pété le million si j'bicrame les coraux. Le gang est type que des bourreaux. On tolère pas trop les peureux. Sur une Peugeot aux toilettes. Commando, bye. Commando, commando, commando, quoi?

suis conscient que je suis grave méprisé. Joue pas un rôle, je suis pas venu déguisé. J'espère des souffles, fallait improviser. J'écris que du lourd quand je commence à teaser. Le chétan m'a eu la jalousie aussi. Dans Jack mes soucis, c'est pour ça que j'ai grossi. Depuis quoi qu'il arrive, ça sentait le roussi. Ça donne aussi chaud, Clarissa des Toulsi. On me suit dans les bottes, moi je pisse dans leur soupe. Bien plus dans le rap game, ces fils de pute ça coupe. J'aimerais toujours tête, tu peux ramener ta troupe. Comme au détend moderne, y'a son sort dans ma coupe. On se tape et sans répit. Ça vous ai pris des coups, j'en ai rendu aussi. On fait des sous, on fait des potes et on fait le tri. Pénétration sans capote, faut payer le prix. Armé ganté, j'ai trop plaisanté. Tu m'as fréquenté pour les tubes que j'entrais. Tous les risques qu'on encourt nous laissent des goûts amers. Les risques qu'on encourt nous laissent des goûts amers. Que sais-tu de ma vie, à part que je rappe. Chez moi ça débite, pas de caille que de la frappe. Ouais, je connais la grimace, ils nous traitent de macaque. Je connais plus la misère ni la plaque de la vague. Le soin et j'ai ça, j'en ai toussé. T'es trop une tache B, pour t'épouser. Chez nous les manches, sans retrousser. Bienvenue petit enculé, madame faut pousser. Tu penses qu'à tester mais vas-tu assumer. Je deviens mécano, je sors les outils. Tu penses que t'étais le mec incontesté. À peine entré, t'es déjà sorti. Bosse. Dans les poches, y'a des trous, des troncs d'arbres dans les roues. On me traîna dans la boue, mais je suis jamais à bout. Car y'a Dieu même en terre à miner. Une fois givré, servez-moi le dîner. Ça se passe la pommade, mais personne est kiné. Rapper sa vie, ouais, là que c'est pas inné. Pour faire des sous, on fait les vaillinés. On est des dalleux, des probis calleuses. Ressent le mal, c'est pire qu'une anale. Le parent cœur serré, assis au tribunal. Je veux mon de blé, pas de cimetière communal. J'suis de retour, j'suis revenu vous hanter. Si tu me découvres, sincèrement enchanté. Air Jack m'installe la prot, et un pension planté. Comme une lettre à Sarko, va te faire niquer d'entrée. J'ai grandi sans radis, j'écoute pas les salades. Dis à mes ennemis que j'en passe le salam. La prod c'est la récré, y'a mon flow qui se balade. Rabat ton chromie, la musique c'est haram. Qu'ils aillent frotter leur mère, j'en ai pas fini. J'apparaîtrai car je suis un génie. Y'a les putes de la nuit et celles prises au grand jour. J'ai des comptes à régler, la vie compte à rebours. Pour, ça c'est du peurin. J'ai laissé parler la putain de jura. J'ai connu des teutrés, des doubles teutés. Je ferai que tu sales pas de tête à ce qu'est. Je connais mes bourreaux, t'en fais pas partie. Ils sont tous en moi, même l'imam compatit. Souvent au pied du mur, désolé maman, je verse le sang pour mon bien. Comme un hijama, ouais, vous cassez les couilles. On finira dépouille, le temps passe, on le souille. Issu de la débrouille, j'ai laissé ma pudeur à fleurir dans la fouille. Et mon ADN au fin fond de ta mouille. Je m'emballe, je m'emballe, je m'emballe de ma place. J'suis pas trop blabla, ni même dans les paperasses. Concu, concu, allié, ok. J'suis plein de surprises et de quoi vous choquer. Mon cœur part en couille, va falloir me greffer. Putain de merde, le whisky fait effet. Solitaire avec vous, j'me sens trop compressé. 2017, j'serai toujours de CC. Vous faites de moi un bandit, j'rappe. Mais l'alarme a incendie, cap, je m'en bats les couilles que t'en dis. Après ce morceau, serais-je toujours en vie. Bosse-nous. Sultan, terrain miné dans la nocturne, 100% rap français. On va écouter un extrait aussi de l'album de Tito Prince qui est sorti la semaine dernière. Tito Prince, à écouter. 100% rap français. Planète. La nocturne. Destruction de la drogue. J'tute dans vie, ne vois même pas. J'tute dans mes, ne vois même pas. J'tute dans vie, ne vois même pas. J'tute dans mes, ne vois même pas. J'les enfermés, ne vois même pas. Les endorés, ne vois même pas. J'les enfermés, ne vois même pas. Les endorés, ne vois même pas. On m'appelle la drogue. Je suis partout dans le monde. Je suis une star plus connue que la famille Jackson. Je suis envoyé par le diable lui-même pour lui sacrifier la race humaine. J'ai mon plan d'attaque, en plus je sais qu'ils ont soif d'argent, de pouvoir, ces choses inutiles qui les empêchent de me voir dans le surnaturel. Donc voilà le topo, j'enfile un costume en herbe popo. Puis je mets ma robe blanche, coco. J'suis prêt pour mettre les quartiers de France dans un dodo. Me glisse dans une voiture ou bateau. Passe la frontière cachée dans un endroit glauque. Je cherche une victime gratos pour me vendre de préférence un maghrébin ou un noir pauvre. Et là tour est joué, je leur fais croire qu'ils sont doués. Or je viens endormir, enfermer et tuer. Je viens empêcher l'étoile en l'être humain de briller. Les éloigner de la vérité, les empêcher de prier. Ne vois même pas, je t'ai dans mes, ne vois même pas, je t'ai dans vie, ne vois même pas.

petit comme la foudre avant de te finir au sol. Niquer des mamans dans le rap game, je suis bon cassage. J'ai pas la même vision de la vie, pas le même pinceau. Je suis un vrai parisien déter comme mon patin saut. J'aurai mon couronnement royal à la Bocassa. Personne ne veut construire un hôtel rue de la paix. Vous êtes beau qu'à monter des bordels à la rue de la pompe. Arrête de tromper ta loca si t'as peur de la terre. Tu finiras chez ta mère à chialer dans ses jupons. Je suis un mec à part, je fais bande à part. T'arrêteras de me boycott avec une balle dans le corps. On te raid la carte. Et je me demande encore si je suis vraiment un gros bâtard ou un mec en or. Big Lemsi, yeah. Hier n'existe plus, demain ne viendra peut-être jamais. Je vais leur tomber dessus comme l'orage, puis quand je dégage, je ne jamais. Algérien du barrio, je suis né le majeur en l'air. Je n'avais rien, amigo, mais j'ai dû prendre la mer. Dis-leur que c'est no pay, no gain. Je vais t'apprendre à respecter la calage, je fallait le rap gay. Rap gay, ces bigots sont devenus des putes du Dallas. Dis-leur que c'est no pay, no gain. Je vais t'apprendre à respecter la calage, je fallait le rap gay. Rap gay. Ice Lemsi dans la nocturne 100% rap français. On va attaquer une session classique pour conclure cette nocturne dans un instant. Mais juste avant, il y a El Kemer. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Enchanté, c'est Monsieur Sam. L'anarchiste, homicide volontaire, paix à nos morts, contre loi, contre droit. Promis, juré, craché, t'aspect, vanta, billet. J'suis en guerre contre qui, contre toi. Wesh, t'es même pas armé. Ferme ta chatte, sale chouin, on te fera valser comme un Lido. Mis la mort contre mon bif, si t'es ma tata, j'serai ton Pablo. Ils font les genoux nés, mais sont sympas. J'suis une grosse caisse, prends la mer à noir max. Crachat sur les keufs normal. Qu'est-ce qu'il y a, rien, bah vas-y, casse-toi. Vos bavures qui rendent des génocides. Volontaire pire que Charlie. Charlie, Charlie, miskin. Quel destin, pauvre Charlie. J'ferai pas d'effort d'intégration si ce bled ne m'aime pas. C'est donnant, donnant, j'suis un fils d'immigré, pas un fils de Gaulois, ça se voit. Justice, c'est nous. Les bavures de mer, c'est vous. Libérer la Palestine, Gaza, libérer nos terres en Afrique. Ça, j'plaide coupable pour homicide volontaire. Madame la juge, ce fils de pute a traité ma mère. J'suis dans le bloc, j'vends de la drogue et j'en suis fier. Allez, nique ta mère, c'est pas ton père qui me donne du lait. Homicide, homicide volontaire. Madame la juge, ce fils de pute a traité ma mère. Homicide, homicide volontaire. Allez, nique ta mère, c'est pas ton père qui me donne du lait. Des frères qui perdent la vie tous les jours dans le bloc, gros, on les compte plus. Non. Mais quelle vie aura mon fils? Je me demande tellement, gros, que je ne dors plus. Non. Quand j'arrête avant de partir, mais Dieu seul sait ce qui m'attend. Ouais. Je compte mes billets vers sa mère, la timbre, c'est trop excitant. Fuck vos préjugés. Plus rien m'étonne, je suis un immigré. Héritier d'une vie dans la merde. Cette vie de merde, l'a-t-on mérité. Comme ODG, on t'oubliera, c'est bien sous terre. Numéro 10, gros, je suis légendaire. Coup de crosse dans ta mère, on te laissera à terre. Gangs, gangs. Automatique, L.O.T. Ouais. Welcome to the Miami. Ouais. Ça débite sa mère comme pas permis. On fait des yébis comme pas permis. T'as des meurs, ben, nous aussi. Ouais. On parle pas, nous, on agit. Non, non. Bang, bang, bang, adieu l'ami. So, so. J'plaide coupable pour homicide volontaire. Madame la juge, ce fils de pute a traité ma mère. J'suis dans le bloc, j'vends de la drogue et j'en suis fier. Allez, nique ta mère, c'est pas ton père qui me donne du lait. Homicide, homicide volontaire. Madame la juge, je suis le fils de pute à traiter ma mère. Homicide, homicide volontaire. Allez, nique ta mère, c'est pas ton père qui me donne du lait. J'plaide coupable pour homicide volontaire. Madame la juge, ce fils de pute a traité ma mère. J'suis dans le bloc, j'vends de la drogue et j'en suis fier. Allez, nique ta mère, c'est pas ton père qui me donne du lait. Homicide, homicide volontaire. Madame la juge, je suis le fils de pute à traiter ma mère. Homicide, homicide volontaire. Allez, nique ta mère, c'est pas ton père qui me donne du lait. La nocturne. chanter pour les désenchanter. Vision chaotique d'une situation diabolique. Leur rime tombe en avalanche. Seuls les sages interprètent nos messages. Signe de mauvais présage, la rage sur le visage. J'ai pour Noël quelques rimes enneigées. Parce que dans un tas de coke, certains ont le nez plongé. J'ai vision chaotique d'une situation diabolique. La rue a fait de moi Kerry James le mélancolique. Une flaque de sang dans une étendue blanche. Violence en avalanche, ma rime dérange. Parce que franche, elle est, c'est la tristesse que tu peux lire dans mes yeux. Je doute que le Père Noël puisse exaucer mes voeux. Car je souhaite moins de sang, d'oppression et d'égoïsme. D'incompréhension aboutissant au racisme. Et que le Père Noël n'oublie pas ceux du ghetto français, violence et souffrance sont forcées de danser. L'inégalité, fatalité, en toute sincérité. Je chantais pour les désenchanter. Selon vos coutumes, je fais mes meilleurs voeux. Mais mon cœur est rancune, ceci je vous en fais l'aveu. Vous êtes capable de cheminer chez moi, de crèche pour le rituel. Mais on a que nos yeux, nos larmes, c'est la tristesse habituelle. Mais pour Noël, c'est une question de cœur. Pour mes frères et mes sœurs, j'attends à leur bonheur. Peut-être qu'il n'y a pas de cheminée, j'ai moins de crèche pour le rituel. Mais on n'a que nos yeux, nos larmes, c'est la tristesse habituelle. C'est de la tristesse que tu peux lire dans mes yeux. Je doute que le Père Noël puisse exaucer mes vœux. Petit papa Noël, t'es descendu du ciel hier comme chaque année. T'as agressé les mêmes, t'as oublié les mêmes. Toi, tu squattes chez les bourgeois, t'évites d'aller vers le Nicaragua. C'est vrai que t'es une ordure. Passe pas chez ceux qui ont besoin de toi, pourquoi? Je t'ai envoyé une lettre à croire que tu n'as pas reçu. Maintenant, je suis dégoûté en toi, je crois plus que tu m'as trop déçu. Y'a pas de cheminée chez moi, de crèche pour le rituel. On a que nos yeux et nos larmes, tristesse habituelle. Moi, je ken Bouel. Dernier Noël de cette fin du siècle. On coupe le sapin à la racine, un nouveau cycle. Si je rappe sec, c'est que je pense aux gosses déshérités. Toxique vu que tu sais qu'ils l'ont pas mérité. Et je prie pour les minots de la terre entière qui n'ont pas notre chance. Je prie pour ceux qu'on laisse en plan, c'est ça la douce France. 25 décembre, l'enfant renaît de ses cendres. Ce n'est qu'un jour de fête en répit, mais tu sais que notre avenir est sombre. Il n'y a pas de cheminée chez moi, de crèche pour le rituel. Mais on a que nos yeux, nos larmes, c'est la tristesse habituelle. Mais pour Noël, c'est une question de cœur. Pour mes frères et mes sœurs, j'aspire à leur bonheur. Peut-être qu'il n'y a pas de cheminée chez moi, de crèche pour le rituel. Mais on a que nos yeux, nos larmes, c'est la tristesse habituelle. C'est la tristesse. C'est ce que tu peux lire dans mes yeux. Je doute que le Père Noël puisse exaucer mes vœux. Dit-il, allez, ça n'a qu'un paquet de cadeaux. Je suis le nouveau Père Noël pour les vieux et les ados, ok. Tout le monde ouvre son loquet. Et c'est pour toutes les cités, je suis le Père Noël parfait. À la veille d'un 9-9-9, 25-12, faut qu'on fasse une putain de 9-9-9. J'entrerai dans aucune explication rationnelle. On parle les brutumés. Pour Noël, c'est une question de cœur. Des cadeaux pour les frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aspire à leur bonheur. Ce soir, les couleurs seront vert, jaune, rouge. Dans cette voyelle, voix rouge. Si c'est Noël, faut que tu bouges. C'est l'alerte rouge, prodige, Namor, idéal. Réunis kilomètres, MA3 et les deux balles. Écrit avec un stylo noir, de l'encre et de la passion. Aucun flocon de neige ne pourra nous mettre la pression. Vous êtes capable de cheminer chez moi, de crèche pour le rituel. Mais on a que nos yeux, nos larmes, c'est la tristesse habituelle. Mais pour Noël, c'est une question de cœur. Pour mes frères et mes sœurs, j'aspire à leur bonheur. Peut-être qu'il n'y a pas de cheminée chez moi, de crèche pour le rituel. Mais on a que nos yeux, nos larmes, c'est la tristesse habituelle. C'est de la tristesse que tu peux lire dans mes yeux. Je doute que le Père Noël puisse être censé mes vœux. Peut-être qu'il n'y a pas de cheminée chez moi, de crèche pour le rituel. Mais on a que nos yeux, nos larmes, c'est la tristesse habituelle. Mais pour Noël, c'est une question de cœur. Pour mes frères et mes sœurs, j'aspire à leur bonheur. Peut-être qu'il n'y a pas de cheminée chez moi, de crèche pour le rituel. Mais on a que nos yeux, nos larmes, c'est la tristesse habituelle. C'est de la tristesse que tu peux lire dans mes yeux. Je doute que le Père Noël puisse exaucer mes vœux. La Nocturne. Session classique avec Oxmo Puccino maintenant, Booba. C'est dans La Nocturne 100% rap français. Aéroport de Bogota, paré au top, c'est lunatique. Pit, départ dans 10 minutes en cas de planque, la coupe dans le coq. Pit, briquez les armes, voici le plouc, un doute, un souci. Shootez tout ce qui bouge, on se retrouvera là-haut, vous savez. Tout de suite, le type idéal où sa sueur coule comme si c'était douche. Et tel tous les fous qui voulaient me doubler mes roubles, je touche. C'est quoi le gros? C'est quoi ton blême pro? Merde, fils de pute, t'as un micro? T'es qu'un gros stupide, t'es trop stupide. Bouge pas, je vais te buter, sale flic. Je viens de buter un sale flic, pute. Couvre ma flic, vite, j'ai mon Twiggest. j'épuise toutes mes sources fines. J'fouille les rues et tombe sur mon pote Steve. Demande qui j'veux, se prive pas pour Bougav, Loupalooza, son petit neveu. C'est Loupalooza, c'est fou ça, ce coup-ci il saura ce qu'il en coûte d'avoir voulu souhaiter doubler ma. Les seules lois auxquelles j'crois les miennes, chaîne de vie, moi à la tienne et à la santé. J'finirai pas comme Scarface, percé de partout, blast dans la coque, crie en fuck, tu m'en veux fuck. Lève ton flingue, charge-le, sois dingue, vise le teint et n'hésite pas si on injure. La monnaie, le sexe, les flingues, Oxmo Poutine sur la route pour aller chez Loupalooza, une luxueuse Lexus rouge, vite fumé me file de peu. Topé au péage, les carreaux de la caisse en question coulisse. Au mitraille sec, les hommes sont masqués, mon chauffeur en caisse. Je me laisse tomber, un, laisse rouler, deux, grenade sous les roues, des boum boum, beaucoup d'hommes en fumée. J'arrive à pied fatigué, un gars fait le quai à l'ascenseur. Je bute, je monte au 7 et je fais gaffe à Tony. Et au 7, Tony m'intercepte, à 357, longue autonomie. Les douilles tombent, l'ascenseur est niqué. Tony se fige, panique se rip ou flip ou suis-je. Il se pose la question, qui peut buter Oxmo Puccino. Grosse réponse pour Tony quand la porte explose. L'ascenseur puait, j'avais choisi d'user mes wallabies. T'abuses, Tony t'a usé toutes tes balles, je sais que j'ai raison. Ma ruse, usé ta vie, j'ai mon rusi. Je me retourne, Blue, t'as fait une lourde bourre. En bref, tu m'as donné au cœur, j'ai peur pour toi. Pourquoi tu m'en cesses ta farce? Parce que si t'es pas toi, mais qui? Mais c'est de chialer, tu souilles mes clarks. Alors trois trucs perdus, son fils de putain de crâne. Pour trois traits, grand trou, grand comme mon trou. Les seules lois auxquelles je crois, les miennes, chaînes de vie, bois à la tienne et à la santé. Je n'irai pas comme Scarface, percé de partout, place dans la tête et crie en fuck, you m'en veux fuck. Lève ton flingue, charge-le, sois dingue, vise le taille, n'hésite pas si on injure. La monnaie, le sexe, les flingues, le temps est bon. Le lendemain 16h, je bec mes camflex et ce réflexe. Je presse le hall de la TV, devine ce qu'elle dit. Et bien, le type qui flippait dans slip trempait plus que celui des filles de type exécuté d'état sosie. Et que le FBI guette ma black mafia, m'accuse de vouloir péter la tête du traître. Me voilà fugitif, vite, je prends mon fusil vise. J'attends qu'un quintémon qui sait. On me répond, c'est pour un emploi, je me présente. On me dit que l'homme a tué, c'est Oxmo du 20 moins 1. Le black mafiosi, Poutinomo, voisin du crime, chef des casinos. Il me semble que c'est urgent ce soir, on verra les urgences. Le contrat est sur toi, Pouti. Il faut qu'on s'organise, faire flipper la firme, quelle balise. Qu'on se verbalise, piège la valise du boss, dynamite sa caisse. Réunis la tête, c'est pour les décalés, les on sait des. Oh écoute, Booba, je sais au flou, Palouza, c'est la coupe douce. Si t'as l'un cruiser, pousse bien, on est là-bas pour 12 heures. Toc, toc, toc, salut, Blue Palouza, sale snob. T'as bien raison de flipper, je t'ai retrouvé chez équipe pour mon clutch. Le macaque me sent son magnum, ne blague pas, me nomme le Mac mort, me braque et ne me manque pas. Touché au bras gauche, fausse blessure. Je mets un coup de pied dans la crosse et sois un sur un de ma chaussure. Je lui fous un coup de couteau sous son cou, tout son juice coule jusqu'à son poumon, ça c'était pour mon crew. Enfoiré, tu croyais que t'allais me tuer, mais tu es fou quoi. Je vais évacuer la Chine en une nuit. Et puis, je veux pas te tuer, non. Dis pas merci, Booba, tu cette merde puante. Qu'on se casse d'ici, j'entends. Les sirènes, c'est les keufs. Oublie les keufs, foutre, prends ton pouce, cache-le. Tente à moi, c'est qu'au bouson. Passe-moi le blouson. Cache la cocaïne aux chiottes. Démarre la dip, on se casse loin d'ici. Oxmo, Puccino. Puccino. Puccino. Sur Skyrock. Nocturne. Préparé au Big Bang. Derrière tous des clics de ouf, des pits à casquette, des Big Band. Qu'est-ce qui se passe, mec? Les types scandent qu'ils vendent shit, les coachs chantent, le truc descend de flics, les petits bandes. Devant les films de gang vite, on t'a Tommy Monde, top ta vidéo de Montana. Tony, pompe ton anatomie. Fais-y à bon, puce la frie, pour que tous restent en vie. Vos vies sont grillées, comme la gueule dans un survêt l'auto. Ou un tueur qui laisse sa photo, une lueur dans le regard, un front plein de sueur, une peau noire, un esprit clair pour le Nesby. La rue, mon casino, comme Patino et Petit. Entre nous, trop de concurrence comme Coca et Pepsi.